Chapitre 27e, la grande route. Ils coururent ainsi pendant toute la longueur du faubourg Saint-Antoine et de la route de Vincennes. Bientôt ils se trouvèrent hors de la ville, bientôt dans la forêt, bientôt en vue du village. Les chevaux semblaient s'animer de plus en plus à chaque pas, et leurs naseaux commençaient à rougir comme des fournaises ardentes. D'Artagnan, les éperons dans le ventre de son cheval, devançait Porthos de 2 pieds au plus. Mousqueton suivait à deux longueurs. Les gardes venaient distancer selon la valeur de leur monture. Du haut d'une éminence, D'Artagnan vit un groupe de personnes arrêtées de l'autre côté du fossé, en face de la partie du donjon qui regarde Saint-Maur. Il comprit que c'était par là que le prisonnier avait fui et que c'était de ce côté qu'il aurait des renseignements. En 5 minutes, il était arrivé à ce but où le rejoignirent successivement les gardes. Tous les gens qui composaient ce groupe étaient fort occupés. Ils regardaient la corde encore pendante à la meurtrière et rompue à 20 pieds du sol. Leurs yeux mesuraient la hauteur et ils échangeaient force conjectures. Sur le haut du rempart allaient et venaient des sentinelles à les réfarer. Un poste de soldats, commandé par un sergent, éloignait les bourgeois de l'endroit où le duc avait monté à cheval. D'Artagnan piqua droit au sergent. « Mon officier, dit le sergent, on ne s'arrête pas ici. »« Cette consigne n'est pas pour moi, dit D'Artagnan. A-t-on poursuivi les fuyards ?»« Oui, mon officier, mais malheureusement, ils sont bien montés. »« Et combien sont-ils ? 4 valides et 1/5 qu'ils ont emportés blessés. »« 4, dit D'Artagnan en regardant Porthos. « Entends-tu, baron, ils ne sont que 4. » Un joyeux sourire illumina la figure de Porthos. « Et combien d'avance sont-ils ? 2 heures et 15, mon officier. »« 2 heures et 15, ce n'est rien. Nous sommes bien montés, n'est-ce pas, Porthos ?» Porthos poussa un soupir. Il songea à ce qui attendait ses pauvres chevaux. « Fort bien, dit D'Artagnan. Et maintenant, de quel côté sont-ils partis ? Quant à ceci, mon officier, défense de le dire. » D'Artagnan tira de sa poche un papier. « Ordre du roi, dit-il. Parlez au gouverneur alors. Et où est le gouverneur ? À la campagne. » La colère monta au visage de D'Artagnan, son front se plissa, ses tempes se colorèrent. « Misérable, dit-il au sergent, je crois que tu te moques de moi. Attends. » Il déplia le papier, le présenta d'une main au sergent et de l'autre prit dans ses fontes un pistolet qu'il arma. « Ordre du roi, te dis-je. Lis, réponds ou je te fais sauter la cervelle. Quelle route ont-ils prise ?» Le sergent vit que D'Artagnan parlait sérieusement. « Route du Vendômois, répondit-il. « Et par quelle porte sont-ils sortis ?»« Par la porte de Saint-Maur. »« Si tu me trompes, misérable, dit D'Artagnan, tu seras pendu demain. »« Et vous, si vous les rejoignez, vous ne reviendrez pas à me faire pendre, » murmura le sergent. D'Artagnan haussa les épaules, fit un signe à son escorte et piqua. « Par ici, messieurs, par ici » cria-t-il en se dirigeant vers la porte du parc indiquée. Mais maintenant que le duc s'était sauvé, le concierge avait jugé à propos de fermer la porte à double tour. Il fallut le forcer de l'ouvrir comme on avait forcé le sergent, et cela fit perdre encore 10 minutes. Le dernier obstacle franchi, la troupe reprit sa course avec la même vélocité, mais tous les chevaux ne continuèrent pas avec la même ardeur. Quelques-uns ne purent soutenir longtemps cette course effrénée. 3 s'arrêtèrent après 1 heure de marche, 1 tomba. D'Artagnan, qui ne tournait pas la tête, ne s'en aperçut même pas. Porthos le lui dit avec son air tranquille. « Pourvu que nous arrivions à 2, dit D'Artagnan, c'est tout ce qu'il faut puisqu'ils ne sont que 4. « C'est vrai, dit Porthos. Et il mit les éperons dans le ventre de son cheval. Au bout de 2 heures, les chevaux avaient fait 12 lieues sans s'arrêter. Leurs jambes commençaient à trembler et l'écume qu'ils soufflaient mouchetait les pourpoints des cavaliers, tandis que la sueur pénétrait sous leurs hautes chausses. « Reposons-nous un instant pour faire souffler ces malheureuses bêtes, » dit Porthos. « Tuons-les, au contraire, tuons-les, » dit D'Artagnan. « Et arrivons. Je vois les traces fraîches. Il n'y a pas plus d'un quart d'heure qu'ils sont passés ici. » Effectivement, le revers de la route était labouré par les pieds des chevaux. On voyait les traces au dernier rayon du jour. Ils repartirent, mais après 2 lieues, le cheval de Mousqueton s'abattit. « Bon, » dit Porthos, « voilà Phébus flambé. » « Le cardinal vous le paiera 1000 pistoles. »« Oh, » dit Porthos, « je suis au-dessus de cela. »« Repartons donc alors, et au galop ?»« Oui, si nous pouvons. » En effet, le cheval de D'Artagnan refusa d'aller plus loin. Il ne respirait plus. Un dernier coup d'éperon, au lieu de le faire avancer, le fit tomber. « Ah, diable !» dit Porthos. « Voilà Vulcain fourbu. »« Mordieu !» s'écria d'Artagnan, en saisissant ses cheveux à pleine poignée. « Il faut donc s'arrêter. Donnez-moi votre cheval, Porthos. »« Eh bien, mais que diable faites-vous ? Eh, pardieu, je tombe !» dit Porthos, « ou plutôt c'est Bayard qui s'abat. » D'Artagnan voulut le faire relever pendant que Porthos se tirait comme il pouvait des étriers, mais il s'aperçut que le sang lui sortait par les naseaux. « Et de trois ? » dit-il, « maintenant tout est fini. » En ce moment, un hennissement se fit entendre. « Chut ! » dit D'Artagnan. « Qu'y a-t-il ? J'entends un cheval. » « C'est celui de quelqu'un de nos compagnons qui nous rejoigne ?»« Non, » dit D'Artagnan, « c'est en avant. »« Alors c'est autre chose, » dit Porthos. Il écouta son tour, entendant l'oreille du côté qu'avait indiqué D'Artagnan. « Monsieur, » dit Mousqueton, qui après avoir abandonné son cheval sur la grande route, venait de rejoindre son maître à pied. « Monsieur, Phébus n'a pu résister. »« Silence, » dit Porthos. En effet, en ce moment, un second hennissement passait emporté par la brise de la nuit. « C'est à 500 pas d'ici, en avant de nous, » dit D'Artagnan. « En effet, monsieur, » dit Mousqueton, « et à 500 pas de nous, il y a une petite maison de chasse. »« Mousqueton, tes pistolets, » dit D'Artagnan. « Je les ai à la main, monsieur. »« Porthos, prenez les vôtres dans vos fontes. »« Je les tiens. »« Bien, » dit D'Artagnan en s'emparant à son tour des siens. « Maintenant, vous comprenez, Porthos ? » ?»« Pas trop. »« Nous courons pour le service du roi. »« Eh bien ?» Pour le service du roi, nous requérons ses chevaux. C'est cela, dit Porthos. Alors, pas un mot et à l'œuvre. Tous trois s'avancèrent de la nuit, silencieux comme des fantômes. À un détour de la route, ils virent briller une lumière au milieu des arbres. Voilà la maison, dit D'Artagnan tout bas. Laissez-moi faire, Porthos, et faites comme je ferai. Ils se glissèrent d'arbre en arbre et arrivèrent jusqu'à 20 pas de la maison sans avoir été vus. Parvenus à cette distance, ils aperçurent, à la faveur d'une lanterne suspendue sous un hangar, 4 chevaux de belle mine. Un balai les pansait. Près d'eux étaient les selles et les brides. D'Artagnan s'approcha vivement, faisant signe à ses deux compagnons de se tenir quelques pas en arrière. « J'achète ces chevaux, » dit-il au balai. Celui-ci se retourna étonné, mais sans rien dire. « N'as-tu pas entendu, drôle ? » reprit D'Artagnan. « Si fait, » dit celui-ci. « Pourquoi ne réponds-tu pas ?»« Parce que ces chevaux ne sont pas à vendre. »« Je les prends alors, » dit D'Artagnan. Et il mit la main sur celui qui était à sa portée. Ses deux compagnons apparurent au même moment et en firent autant. « Mais, messieurs, » s'écria le laquais, « ils viennent de faire une traite de 6 lieues. Il y a à peine une demi-heure qu'ils sont décellés. »« Une demi-heure de repos suffit, » dit D'Artagnan. « Ils n'en seront que mieux en haleine. » Le palefrenier appela son aide. Une espèce d'intendant sortit juste au moment où D'Artagnan et ses compagnons mettaient la selle sur le dos des chevaux. L'intendant voulut faire la grosse voix. « Mon cher ami, » dit D'Artagnan, « si vous dites un mot, je vous brûle la cervelle. » Et lui montra le canon d'un pistolet, qu'il remit aussitôt sous son bras pour continuer sa besogne. « Mais, monsieur, » dit l'intendant, « savez-vous que ces chevaux appartiennent à monsieur de Montbazon ?»« Tant mieux, » dit D'Artagnan, « ce doivent être de bonnes bêtes. »« Monsieur, » dit l'intendant, en reculant pas à pas, et en essayant de regagner la porte. « Je vous préviens que je vais appeler mes gens. Et moi les miens ?» dit D'Artagnan. « Je suis lieutenant aux mousquetaires du roi. J'ai 10 gardes qui me suivent, et tenez, les entendez-vous galoper ? Nous allons boire. » On n'entendait rien, mais l'intendant eut peur d'entendre. « Y êtes-vous, Porthos ?» dit D'Artagnan. « J'ai fini. Et vous, Mousqueton ? Moi aussi. Alors en selle et partons. » Tous trois s'élancèrent sur leurs chevaux. « À moi !» dit l'intendant. « À moi, les laquais, les carabines !»« En route, » dit D'Artagnan. « Il va y avoir de la mousquetade. » Et tous trois partirent comme le vent. « À moi !» hurla l'intendant, tandis que le palefrenier courait vers le bâtiment voisin. « Prenez garde de tuer vos chevaux !» cria D'Artagnan en éclatant de rire. « Feu !» répondit l'intendant. Une lueur pareille à celle d'un éclair illumina le chemin. Puis en même temps que la détonation, les 3 cavaliers entendirent siffler les balles, qui se perdirent dans l'air. « Ils tirent comme des laquais, » dit Porthos. « On tirait mieux que cela du temps de Monsieur de Richelieu. Vous rappelez-vous la route de Crèvecœur, Mousqueton ?»« Ah, monsieur, la fesse droite m'en fait encore mal. »« Êtes-vous sûr que nous sommes sur la piste, D'Artagnan ?» demanda Porthos. « Pardieu, n'avez-vous donc pas entendu ?»« Quoi ?»« Que ces chevaux appartiennent à Monsieur de Montbazon. » »« Eh bien ?»« Eh bien, Monsieur de Montbazon est le mari de Madame de Montbazon. » »« Après ?» Et Madame de Montbazon est la maîtresse de Monsieur de Beaufort. Ah, je comprends, dit Porthos. elle avait disposé des relais. Justement. Et nous courons après le duc avec les chevaux qu'il vient de quitter. Mon cher Porthos, vous êtes vraiment d'une intelligence supérieure, dit D'Artagnan de son air moitié figue, moitié raisin. Pouah ! Fit Porthos. Voilà comme je suis, moi. On courut ainsi une heure. Les chevaux étaient blancs d'écume et le sang leur coulait du ventre. Hein ? Qu'ai-je vu là-bas ? Dit D'Artagnan. Vous êtes bien heureux si vous y voyez quelque chose par une nuit pareille, dit Porthos. Des étincelles. Moi aussi, dit Mousqueton. Je les ai vues. Ah ah, les aurions nous rejoint. Bon, un cheval mort, dit D'Artagnan, en ramenant sa monture d'un écart qu'elle venait de faire. Il paraît qu'eux aussi sont au bout de leur haleine. Il semble qu'on entend le bruit d'une troupe de cavaliers, dit Porthos penché sur la crinière de son cheval. Impossible. Ils sont nombreux. Alors c'est autre chose. Encore un cheval, dit Porthos. Mort ? Non, expirant. Scellé ou décellé ? Scellé. Ce sont eux alors. Courage, nous les tenons. Mais s'ils sont nombreux, dit Mousqueton, ce n'est pas nous qui les tenons, ce sont eux qui nous tiennent. Bon, dit D'Artagnan, ils nous croiront plus forts qu'eux, puisque nous les poursuivons. Alors ils prendront peur et se disperseront. C'est sûr, dit Porthos. Ah, voyez-vous, s'écria D'Artagnan. Oui, encore des étincelles. Cette fois je les ai vues à mon tour, dit Porthos. En avant, dit D'Artagnan de sa voix stridente. Dans 5 minutes, nous allons rire. Et ils s'élancèrent de nouveau. Les chevaux, furieux de douleur et d'émulation, volaient sur la route sombre, au milieu de laquelle on commençait d'apercevoir une masse plus compacte et plus obscure que le reste de l'horizon.